So I was watching this thing on TV last night. This guy was on, one of them vegetarians, you know? Those freaks who don't eat meat. He was talking some shit about how it's bad to kill animals for food. As far as I'm concerned, I'm all for killing, if it's for a good reason. And eating this steak is definitely a good reason. So, what about you, Vito? You against killing animals? How about, you know, the human animal? Oh no, please! I got a wife and kid! You should have thought of that before. Stink. Eddie, you puke? Oh, no. Must be Frankie Potts. That asshole puked in your car? Nah, he's in a trunk. What? Oh, mano. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale. C'est la semaine du 11 octobre 2010. Vous nous prenez peut-être en direct sur CKIA FM 88.3 ou bien en différé sur différentes radios communautaires à travers le Canada ou bien sur notre site internet le www.puissancemaximale.com sur lequel vous pouvez télécharger nos émissions, avoir de l'actualité et avoir également nos contacts pour nous envoyer des courriels à toutes les semaines. On les lit et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, l'émission, plein de gens, plein de chroniqueurs, l'émission est très remplie. Nous avons Guillaume Forand. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et également François qui est en train de faire la console. Salut, qui est de Vincent. Retour avec nous, François. Bien content de te revoir à l'émission. Oui, monsieur. Good. Et nous avons également Michael de Cap et Kimono qui est avec nous aujourd'hui. Salut à tous. Et Michael qui va nous parler dans quelques instants. Un petit retour sur la fin de semaine Cap et Kimono. Michael qui a des poches en dessous des yeux, s'en dit beaucoup sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Mais je suis allé faire un tour et c'était assez exceptionnel pour une première édition. Mais d'abord et avant tout, avant de passer aux chroniques, on va y aller comme à l'habitude en musique, François. Oui, cette semaine, on a un spécial, on a plein de trucs à donner. Oui. Juste avant de mettre la pièce musicale, s'il y a des gens qui appellent 529-9026, ils vont gagner instantanément un bloc de 2 heures gratuit au Delirium Tacball. 529-9026. Sinon, on va écouter une pièce tirée de la trame sonore du jeu Mafia 2. Alors, ça va être un spécial Mafia 2 aujourd'hui. La pièce s'appelle « Praise the Lord and pass the ammunition ». Prions Dieu, mais passe-moi la munition. « De retour sur les ondes de CKIA, c'est Puissance Maximale. Et nous avons avec nous quelqu'un, un des trois présidents de Cap et Kimono, en fin de compte. Parce que quand, bien sûr, on feuillette ce fameux... en fin de compte, je cherche mes mots. Le guide souvenir. Le guide souvenir de Cap et Kimono. On voit, bien sûr, les membres du personnel. Et Michaël Michaud fait partie de l'un des trois présidents. Il est porte-parole et il était aux relations publiques pour Cap et Kimono. Michaël, bienvenue à Puissance Maximale pour la deuxième semaine de fil. Merci beaucoup. Alors, une fin de semaine extrêmement chargée. Je t'ai croisé samedi matin et ça roulait. L'entrée des gens se faisait parce que vous avez ouvert, comme tu nous l'avais mentionné, une heure avant l'heure officielle pour permettre aux gens d'être bien placés et d'essayer de commencer ces deux journées de conférences à l'heure. Oh oui, bien c'est ça. Habituellement, moi-même, quand je suis festivalier, ce que j'aille le plus, c'est arriver à une place puis faire la file. Aussi, des fois, souvent, c'est ma faute, j'arrive pas assez tôt. Mais quand même, si on peut donner la possibilité aux festivaliers d'arriver, de prendre leur temps pour un peu voir la place, déjà avec l'horaire en main, aller voir les salles où est-ce qu'ils sont. Puis après ça, à 10h, on part. En tout cas, moi, je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Puis en même temps, la circulation, pas que ça crée de bouchons avant les activités. C'est comme ça, on a pu faire rentrer tout notre monde. Faut dire qu'à l'Hôtel Pur, au deuxième étage où vous étiez, les salles étaient pas mal toutes rapprochées l'une de l'autre, donc c'était facile d'accès pour tout le monde. Oui, le seul problème qu'on a eu peut-être, c'est justement on a eu les gens qu'on voulait pour le nombre qu'on voulait pour cette année. On s'est rendu compte que finalement, où est-ce qu'on était, c'était un peu petit. Mais on n'a pas eu de problème de circulation, mais il n'aurait pas fallu qu'il y ait... pas mal plus de monde que ça. Non, c'est ça. C'était assez restreint, mais quand même, très bon nombre de participants, comme tu le dis. Est-ce que vous avez un nombre exact? Ou... J'ai rien d'exact. Je vous dirais approximativement entre 400 et 450 personnes. On attendait 500, ce qu'on est, on est super contents parce que, vu la réponse, puis les gens ont été super toute la fin de semaine. Puis je regardais Facebook aujourd'hui encore, des super commentaires, ce qu'on est contents. Vous êtes pas mal partagé la job, tout le monde, de Cap et Kimono, tout le long de la fin de semaine. C'est toi qui as fait le discours d'introduction. Comment tu te sentais? Moi, j'étais là au discours d'introduction, je te sentais extrêmement fébrile et c'est certain, bien sûr, une fierté d'avoir accompli ça dans le temps que vous vous êtes donné. Un peu moins d'un an pour le total de l'organisation. Même, comme je disais au début du discours, j'étais supposé en écrire un, mais avec le montage, j'ai jamais eu le temps. Mais je pense que, de toute façon, ce que je déteste des cérémonies d'ouverture dans ce genre de trucs-là, c'est toujours trop long pour rien. C'est remercier les gens le savent, puis les festivaliers le savent aussi. Donc, on remercie les festivaliers. On leur parle un peu, puis nous, en plus, on a M. Robert Axelrod, notre invité d'honneur, qui était là, qui a voulu parler dès le départ. C'est assez spécial, hein? Puis il est venu parler, puis il est venu saluer les gens, puis il a fait la même chose au discours de clôture. Discours de clôture, encore très court, mais il y avait beaucoup de monde dans la salle. On venait de finir les échecs cosplay. Il y avait beaucoup de monde. J'ai fait un petit discours, remercier sincèrement tous les festivaliers, puis je le fais encore aujourd'hui en ongle. Festivaliers, partenaires, les bénévoles, le staff, tout le monde qui était là, parce que sans ces gens-là, ça n'aurait pas pu se faire, mais les festivaliers, longs applaudissements pour nous remercier. Puis ça a vraiment été long. En fait, là, j'étais là, ça va s'arrêter. Le monde était vraiment content. Ça fait que je pense qu'il y a de la place pour une deuxième édition. Bien, on voyait que c'était quelque chose qui était en manque ici à Québec. Ça prenait ce genre de conférence-là. On en avait à Montréal, on en a à Gatineau, en fin de compte, dans l'Outaouais. Mmh. Les gens de Québec et l'Est du Québec, je pense qu'ils ont droit aussi à leur conférence. Oui, tout à fait. Puis en plus, nous, on a eu des gens de Gianimé, de Gatineau, qui sont venus nous aider, puis des gens d'Otakuton aussi, de Montréal, qui sont venus nous voir, qui sont venus nous aider. Ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés, en fait. Puis c'est ça qu'on veut faire, en fait. Nous, on veut que les gens se parlent. Oui. C'est sûr qu'il y a une petite compétition. On veut que tout le monde vienne à nos événements, mais en même temps, ces gens-là sont tellement passionnés. Souvent, ils vont aux trois, puis ils vont être là de toute façon. Fait que pourquoi ne pas s'aider? Puis je pense que ça a été un bel exemple en fin de semaine. Cet esprit de franche camaraderie-là se reflète aussi chez les visiteurs et les participants. Ils voient justement que les différents événements sont en lien les uns les autres. Donc, ça ne peut qu'aider aux trois événements. Oui, tout à fait. Je veux dire, les gens sont là pour... Comme j'ai dit dans mon discours de clôture, si on a voulu faire ça pour l'argent, on l'aurait pas fait. On l'a fait ça par passion. Puis les gens qui viennent, c'est des passionnés. Donc, quand c'est plusieurs organisations passionnées comme ça qui s'organisent ensemble pour donner un show, pour donner un événement de cette grandeur-là, ben les gens sont juste contents. Là. Parle-moi de votre invité d'honneur, M. Axelrod. Ouais. Bon, c'est quand même une personnalité connue à Hollywood parce qu'il a fait des voix pour différents animés ou pour différentes téléséries. Pour les jeunes, bon, Power Rangers, par exemple, ouais. Et d'autres, c'est quand même... un mythe, un monstre sacré de du monde geek, disons là, les gens qui savent qui est Monsieur Axelrod, qui ont vu ces émissions là, savent de qui on parle, l'ont peut-être vu sur YouTube de temps en temps parce que justement il va à différentes conférences. Ses commentaires de ce qui s'est passé à Québec en fin de semaine. En fait, si je me fie, moi j'ai pas pu reparler après le discours de clôture, mais si je me fie à ce qu'il a dit au discours de clôture, il a beaucoup aimé Québec. Très belle ville, il a beaucoup aimé les festivaliers, ce qui s'est passé, l'ambiance du festival, les gens ont été super gentils avec lui. Monsieur Axelrod nous a fait 4 conférences justement sur ses différents doublages, puis en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'au discours de clôture, il nous a fait un petit bout justement en voix de Lord Zedd de Power Rangers en disant aux gens de revenir l'année prochaine, de manger leurs légumes et d'aller à l'école. Donc moi, j'étais charmé. Super gentil. C'est quand même un monsieur quand même assez âgé. Oui, c'est ça. Mais vraiment facile d'accès. Moi, j'ai eu la chance de lui parler un peu, vraiment juste pour voir un peu qui il était puis poser des questions, mais sans faire une entrevue officielle pour Puissance Maximale, mais c'est... Il y avait une de vos bénévoles qui était avec lui pas mal toute la fin de semaine, qui s'occupait de lui, mais très accessible à personne. Oui. Parfois, on pense aux gens d'Hollywood et on dit bon, ça va être difficile d'approche. Mais en fait, vraiment, il semblait vraiment vouloir avoir le contact avec les gens. Mais en fait, M. Axelrod, lui, c'est ce qu'il aime. C'est les conventions, c'est les festivals comme ça, puis les cours, en fait. Lui, c'est lui qui nous approchait. On n'est pas allé le chercher. Il nous a envoyé un courriel. Il disait je vais être là. Donc, nous, c'est une chance en or. On l'a pris, puis on a bien fait parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nos festivaliers qui ont apprécié cette expérience-là puis cette rencontre-là. Puis en plus, il a fait du photoshoot aussi avec des festivaliers. On avait une section où les gens pouvaient aller prendre des photos. Et M. Axelrod s'est prêté au jeu. Puis il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Puis lui, il était super content. Les lieux étaient divisés en différentes salles, comme on en a parlé tout à l'heure. Les gens qui ont participé, que ce soit au niveau du jeu vidéo, que ce soit par exemple Microplay qui était avec vous, même les différents artisans qui étaient là, ou les artistes, tout le monde est content? Oui, tout le monde est content. Il y a eu de l'affluence dans toutes les salles. Il y a certains endroits, ça a été plus compliqué parce que vu la configuration de l'étage au pur, il y a des justement nos artistes, ils étaient plus vers la fin du couloir. Ce qu'on a fait en sorte justement d'avoir des gens avec des pancartes pour encourager les artistes, pour signifier que c'était par là. On en a posé partout. On a pallié à ces problèmes-là. On a eu des super bons commentaires, en tout cas en général. Genre nous autres, on est au lendemain. Là, c'est sûr qu'il nous reste encore du temps pour savoir. Il y a un bon débriefing à faire, là, à tête reposée, certainement. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, pour les gens à l'écoute qui sont venus au festival, on les invite à nous envoyer des suggestions, commentaires sur notre site internet à info@commercialcapkimono.ca. Nous, on est toujours ouverts à recevoir les suggestions pour l'année prochaine parce que nous, notre deuxième édition, on veut justement qu'elle soit meilleure, on veut s'améliorer, puis on veut savoir ce qui n'a pas marché ou ce qui a un peu déplu. Ou les choses seulement améliorées. Là. En fin de compte, ce qui fait partie d'une convention, ce sont par exemple les conférences, les différents panels qu'il y a. Moi, j'ai participé à différents panels. J'étais vraiment impressionné et même très satisfait de ce que j'ai reçu comme information, que ce soit du côté de la bibliothèque Gabriel Leroy ou bien du côté de l'Hôtel Pur. C'était des salles qui étaient très convenable, facile d'accès, des gens qui étaient là pour la même passion. Finalement, tout le monde participait d'un côté à l'autre, pas seulement le panéliste en avant, mais les gens étaient là puis interagissaient avec eux. Puis c'était pas seulement des conférences où on parlait tout simplement de l'animé directement, mais moi j'ai assisté à une conférence au début samedi matin vers l'heure du midi environ qui était donnée par Frédéric Clément, qui est enseignant à l'Université Laval en technologie et en jeu, puis il fait son doctorat avec l'Université de Montréal. Et il parlait justement le fait de mixer passion et carrière. Lui, il a fait de sa passion, le jeu vidéo, une carrière en tant que chercheur à l'université. Donc, c'était vraiment intéressant de l'entendre pendant une heure, là, commenter un peu comment ça fonctionnait. Puis, ça vient mettre un autre angle à une conférence, souvent, où on pense juste qu'on va parler justement, une heure sur tel animé ou une heure sur tel comic book. C'était bien d'avoir des gens de différents angles du milieu. Mais cette année, les panels ont été super populaires. Puis il faut dire que les premières années, dans les conventions, dans les festivals, c'est plus compliqué. Habituellement, c'est ouvert aux festivaliers. Mais les premières années, c'est toujours plus difficile de recruter des festivaliers pour faire du panel. Cette année, on en a eu. Mais il y a beaucoup des panels qui ont été faits, qui ont été donnés par nos invités, donc des gens du milieu. Puis ça a été des panels très populaires. J'ai eu des super bons commentaires, justement, à M. Clément. Marc-Claude Bourbonnais, son panel sur de la confection, était bondé. Il y avait du monde debout en arrière dans la salle. Justement, M. Finger de la Rue, c'est un con runners, un gars qui se promène partout dans les conventions, qui était là. Ça a été populaire partout, même moi qui ai été obligé d'en improviser un, justement. à cause d'un petit problème qu'on a eu avec un panéliste, ben finalement, j'avais une dizaine de personnes, ça restait jusqu'à la fin, puis j'ai eu des questions après dans les couloirs, les gens m'ont suivi, on a continué à parler du sujet dans le couloir, ça fait que cette année, ça a été très populaire parce que justement, les gens veulent parler avec des gens du milieu, puis quand ils voient que la personne est passionnée, puis qu'elle a un contenu intéressant, ben... C'est ce que j'ai remarqué justement des conférences, ce que j'ai aimé, c'est que autant l'initié que celui qui en connaît beaucoup se présente là, puis les questions sont respectées de part et d'autre, je veux dire, des questions qui sont très banales, très basic, disons, et même ceux qui connaissent beaucoup, qui sont assis, qui sont pas nécessairement le panéliste en avant, sont là puis ils respectent l'opinion, ils respectent ce qui vient d'être dit en disant « Ah, ben c'est une personne qui en connaît moins un peu, on va voir c'est quoi qui en sort comme information. » Donc, j'ai trouvé ça intéressant, justement, cette notion de respect, qui faisait partie justement des règles de Cape Kimono au départ. Là, mais le panel de convention, c'est ça, c'est pas une conférence, en fait, c'est une table ronde. Fait que les gens qui s'assisent là savent qu'il y a des néophytes aussi dans le domaine puis qui sont là pour apprendre. Mais les gens aussi, ils bénéficient de ces questions-là. Ça fait que c'est total respect. Puis c'est pour ça que c'est intéressant. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup en faire, moi, quand je vais en convention, faire des panels. Parce que je suis devant des gens passionnés qui veulent en savoir plus. Excellent. Bien, merci beaucoup d'être passé. Et félicitations encore à toute l'organisation de Cape Kimono pour le succès que vous avez eu, remporté en fin de compte en fin de semaine. Et on attend de vos nouvelles. Bien, merci à Puissance Maximale de nous avoir appuyés depuis le début. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on retourne à la musique. Allons-y. Juste avant, si quelqu'un appelle 529-9026, il va gagner instantanément un bloc de 3 heures au Dream City. Dream City étant, évidemment, une espèce de café dans lequel on peut jouer à des jeux vidéo à satiété. On va écouter une autre pièce de Mafia 2. Ça va être la pièce Rum and Coca-Cola de Andrews Sisters. Vous êtes à Puissance Maximale. jaune aussi écoute Puissance Maximale. De retour sur les ondes de CKIA, et c'est maintenant le temps de Guillaume Forand. Salut Guillaume. Salut Vincent. Alors, une petite chronique. Civilisation 5. Civilisation 5. Qui est quand même sorti il y a presque un mois, pas tout à fait. C'est un jeu que beaucoup de gens attendaient. D'autres gens étaient mitigés un peu sur les nouveautés, les choses qui avaient changé. Mais j'ai eu la chance de pouvoir mettre 20 à 30 heures dessus, là, 22 heures et quelques, je pense. Je suis pas sûr exactement, sur le jeu pour pouvoir l'essayer. Premièrement, le jeu, j'ai parti plusieurs parties avec plusieurs civilisations différentes pour essayer de voir à quoi ça ressemblait. Puis chacune était différente. Je pense que j'ai parti 6 parties que j'ai faites peut-être une centaine de tours. Oh, ouais. Okay, je vais changer, je vais en essayer un autre, voir si c'est plus mon style. Différente dans quel sens? Parce que moi, je suis un adepte de civilisation. D'habitude, c'est toujours genre une unité dans un âge quelconque qui va être unique par rapport à cette nation-là. Est-ce que c'est encore le cas? Ça? Oui, c'est le cas, mais il y a vraiment des différences. Exemple, si je m'en souviens plus, c'est les Mayas ou les Aztèques. Je me trompe toujours entre les deux. Eux, ils ont une unité de départ qui est plus fort que les soldats de base, mais leur avantage de civilisation dans les premières âges, c'est que quand ils attaquent et qu'ils tuent des ennemis, ça leur donne de la culture pour représenter le fait des sacrifices à l'époque qu'il y avait. Donc, chaque race a des petits avantages, puis je voulais pouvoir avoir une chance de les essayer parce que il y a beaucoup de diversité quand même dans le jeu, ça. Autant qu'il y en avait avant, il y en a toujours. Il y a 18 civilisations différentes. Par contre, chaque civilisation maintenant a juste un dirigeant. Comparé aux quatre, parce que si on jouait les Français, on pouvait avoir soit Napoléon ou Louis XIV, si je me trompe pas. Dans ce cas-ci, t'as Napoléon. T'as pas le choix entre deux, c'est juste un que t'as. Même chose avec les Allemands, c'est Bismarck. T'as pas deux choix. Ouais. Ben, ça ressemble un peu à ce qui avait sorti, c'est sorti sur PlayStation et pour initier les gens qui ne jouaient pas à l'ordinateur, ceux qui sont plus des gens console, là, il était un peu comme ça. Oui, effectivement, puis même qui ont appris beaucoup des jeux qu'ils ont fait pour les petites consoles, pour l'iPod, tout ça, au niveau des contrôles, des menus, pour simplifier le tout, ils se sont inspirés de leur expérience pour que ce soit plus facile pour tout le monde de pouvoir s'intégrer dans le jeu plus facilement. Comparé à avant, maintenant, tout le monde commence avec les mêmes sciences. Donc, c'est plus genre la course, le premier. Ben, si je veux avoir le monothéisme, ça me prend civilisation-là si je veux être capable de l'avoir avant les autres. Ça fonctionne plus de la même façon. Tout le monde commence avec les mêmes sciences. Donc, tout le monde commence de pied égal. Certaines civilisations ont des unités qui sont meilleures, qui sont plus fortes au début, dans les premiers âges. D'autres sont meilleures plus loin. Comme moi, personnellement, le peuple que j'ai trouvé qui allait mieux à mon style de jeu, c'était les Français. Parce que j'aime bien les peuples de la civilisation qui ont de la culture, donc qui expansionnent l'influence de leur ville alentour d'eux. Et c'est les Français qui étaient meilleurs pour moi là-dessus. Surtout qu'au début, je préfère ne pas rentrer en guerre. Il y en a d'autres qui sont plus agressifs quand ils jouent. Il y a des civilisations pour ça, ça, il n'y a aucun problème. Ça va très bien. Dans les choses qui ont rajouté, qui fonctionnent bien, mais qui sont bizarres un peu, parce que j'ai pas eu non plus la chance de pouvoir approfondir dessus, c'est les city-states, donc des villes indépendantes qui influencent le monde. Okay. De façon générale, c'est bien. Par contre, c'est des villes qui sont pas liées à un pays en particulier. C'est ça, sont vraiment indépendantes et que tu peux, soit en donnant des unités, en donnant de l'argent, les influencer pour que eux par après te donnent des choses en échange. T'as différents niveaux de statut, tu peux aller avec eux autres de genre neutre à hostile jusqu'à être allié. Et tout dépendant du style du city-state, ils peuvent te donner soit des troupes supplémentaires, de la culture de plus, de la nourriture de plus, qu'est-ce qui permet ta civilisation d'expansionner plus vite. Moi, dans les deux parties que j'ai faites, que j'ai pu vraiment jouer puis expérimenter plus avec ça, j'ai peut-être trouvé que c'était trop facile d'aller chercher les bonus qu'ils donnaient et que je grossissais peut-être trop vite comparé à l'AI là-dessus. L'argent rentrait assez bien. Je pouvais me permettre de payer de l'argent pour être allié avec les city-states. Qu'est-ce qui faisait que toutes mes villes avaient plus de nourriture? Mais toutes les villes qui ont plus de nourriture, tu grossis plus vite que les autres. J'étais rendu à un point où est-ce que mes villes secondaires étaient rendues à niveau 12-13. Puis les villes, la capitale de mes ennemis était à 8, niveau 8. OK. Donc ça, c'était mes villes secondaires. C'était même pas ma capitale qui était déjà rendue à 15. Mais dans ce cas-là, il faut que tu montes ton niveau de difficulté. Effectivement. C'est ça que je me suis rendu compte. J'ai commencé au troisième niveau de difficulté, qui est Warlord, qui est au 4, était le niveau de difficulté auquel que je jouais. Que je savais bien, j'étais rendu au 7 où est-ce qu'il fallait que j'augmente de niveau de difficulté. Dans ce cas-ci, après deux parties, je me suis rendu compte que c'est trop facile pour moi. Il faut vraiment que j'augmente de niveau de difficulté. Peut-être plus facile qu'avant. C'est peut-être juste mon style de jeu, par contre, qui rend ça plus facile. C'est encore à déterminer. Donc, les city-states, c'est bon. Par contre, il y en a trop dans les cartes. Même une carte de façon standard, je n'avais 15 dans ma dernière partie que j'ai faite. Et les 15 étaient alliés avec moi. J'avais assez d'argent pour pouvoir me permettre d'être allié avec les 15. Et bien sûr, quand tu rentres en guerre, ils t'étaient alliés, mais eux autres aussi rentrent en guerre. Ils font pas grand-chose, mais ils nuisent à l'ennemi quand même. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être, avec le niveau de difficulté, ça va peut-être être plus difficile. Mais c'est une façon facile d'exploiter l'argent qu'on a, pas obligé d'acheter, de produire des troupes plus vite. Juste les city-states qui donnent des unités militaires une fois de temps en temps, ben voici genre des chevaliers. Et là, on a des chevaliers gratuits. Pas obligé de les construire, ils nous les donnent. C'est le fun. Donc, c'est vraiment intéressant. Toujours sur la forme de tour. Il arrive après un certain nombre de tours? C'est ça. Et éventuellement, ils vont en donner. Genre, j'ai un city-state qui m'en a donné à travers la partie, il m'en a donné une quinzaine. Puis l'autre que j'étais allié avec lui avant, m'en a juste donné une dizaine. Donc, ça dépend toujours, je crois, d'après qu'est-ce que j'ai vu, ça dépend de comment ils sont placés, c'est quoi le territoire qu'ils occupent pour savoir comment ils peuvent produire rapidement. Les unités, généralement, sont de force moyenne à qu'est-ce que tout le monde peut avoir alentour. Ah oui? Moi, dans mon cas, puisque j'étais beaucoup plus à l'avance, les unités qu'ils me donnaient étaient moins fortes que qu'est-ce que je pouvais produire, mais ils étaient d'équivalence à mes ennemis. Ah, ils se mettent en proportion de tes ennemis. C'est ça, curieux, ça, aux ennemis. Fait que si jamais on est en arrière, mais ça peut nous permettre d'avoir quelques troupes un petit peu plus fortes à ce moment-là pour nous dépanner, justement. Donc, il y a quand même une gestion à faire de ce côté-là intéressante. Côté diplomatie, un problème que j'ai eu et un problème qu'il y a eu sur les forums que j'ai pu lire, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est par rapport aux autres civilisations. Ah oui, ils disent pas, par exemple, telle nation t'aime ou telle nation t'aime. À part quand on est hostile envers une nation ou en guerre, ils disent pas. Donc, on pense qu'on est bien alliés, on fait des échanges de ressources, on donne des cadeaux, mais il n'y a pas un score visible. Exemple, dire que à 50%, on est neutre, puis moi, je suis rendu à 80%, ils ne marquent pas. Donc ça, c'est une petite lacune, il faut essayer de deviner là-dessus. Par contre, le AI réagit beaucoup mieux qu'avant. Quand que tu rapproches tes troupes des civilisations ennemies, eux autres aussi rapprochent leurs troupes. Puis quand tu as trop de troupes, ils te le disent. C'est quoi tu fais là? Ouais, ils viennent te parler. Ils viennent te parler, là. Ça serait peut-être le temps que tu recules un peu, là. J'aime pas ça, là, que tu aies genre tes quatre battleships sur le bord de ma capitale, là. Recule donc un peu. J'aime pas ça. Ça, c'est quand même quelque chose qui est agréable là-dessus. Même qu'à un moment donné, j'avais des ennemis qui se ramassaient sur mes frontières et j'amenais un tank visible et les ennemis sont partis. Parce qu'eux autres, il y avait juste genre des chevaliers. Fait que dès qu'ils voient que ça va pas bien pour eux autres, ils ont l'air de réagir en conséquence. Donc ça, c'est quand même un bon plus de ce côté-là. Chose supplémentaire qu'on peut faire maintenant avec les autres civilisations, c'est des packs de recherche. Donc, on investit, exemple, chacun 300 pièces d'or, moi et une autre civilisation, et dans X nombre de tours, on va chacun avoir une technologie gratuite. Ah ouais. Donc, c'est de l'argent qu'on investit, puis... Vous pouvez travailler ensemble pour avoir la même technologie, c'est pas pire? C'est pas nécessairement la même. OK, c'est pas nécessairement la même. Parce que si toi, t'es rendu beaucoup plus loin que l'autre dans tes sciences, toi, tu vas en avoir une meilleure à ce moment-là. OK. Par contre, si jamais tu lui déclares la guerre avant que t'aies appris la science, t'as perdu ton investissement. Donc, c'est une chose à gérer, les alliances et comment que tu donnes les choses. Une chose qui est bien aussi, on ne peut plus maintenant, exemple, dire « Je te donne du mouton et donne-moi 20 pièces d'or par tour. » Généralement, ils veulent pas. Rendu à 5, c'est pas mal la limite. J'ai jamais été capable d'aller plus haut que ça. Donc ça, c'était un truc au début que je faisais dans le 4. Je demandais des montants ridicules aux ennemis. Fait que j'avais trop d'argent qui rentrait et lui, il n'avait pas assez. Bien sûr, plus qu'on monte de niveau de difficulté, moins que l'AI fait ces erreurs-là, mais c'est des choses que, justement, qui ont comme réglé un peu à ce moment-ci, d'après qu'est-ce que je peux voir. Côté combat, beaucoup plus stratégique qu'avant. Comme j'avais déjà mentionné par le passé, c'est plus trois piles de 20 unités qui avancent. Chaque unité prend un hexagone, peut pas en avoir plus dedans. Les unités qui font des tirs à distance, des tirs de barrage, vont vraiment attaquer à distance. Donc, les archers attaquent à deux cases de distance. Donc, il faut vraiment utiliser le terrain. On bloque le continent. On met deux, trois troupes d'unités de corps à corps fortifiées. On met des archers en arrière. On met des battleships qui tirent à distance. OK. C'est des choses vraiment beaucoup plus stratégiques de ce côté-là. Mais maintenant, pour prendre une ville ennemie, là, je me rappelle, dans la situation 3, ça pouvait prendre une trentaine de troupes avant de pouvoir occuper une ville. Est-ce que c'est encore le cas? Le truc maintenant, c'est aussi des tirs à distance et des engins de guerre. Donc, des balistes, des trébuchets, peu importe, des archers, parce que les villes se défendent et ont un certain nombre de points de vie. Et si on les attaque en corps à corps, ils font mal généralement. À force égale, là, donc si on dit qu'on a des troupes égales, un niveau d'époque égal, si je prends juste un chevalier pour attaquer la ville ennemie, probablement qu'ils vont me faire beaucoup plus mal que qu'est-ce que moi j'y ai fait mal. Okay. Et en plus, la ville, puisqu'elle a un certain nombre de points de vie, régénère des points de vie à tous les tours. et peut attaquer à distance. Donc, c'est pas avantageux. Par contre, si on met 4-5 unités à distance qui tirent de loin pour affaiblir les défenses, c'est pas long qu'on est capable de le prendre. Okay. Donc, l'ennemi peut pas juste se fier non plus à sa ville pour se défendre. Ça prend des troupes. Mais de ce côté-là, très intéressant jusqu'à date. J'ai même pas eu la chance de jouer avec les avions, les bombardiers. J'étais trop en avance sur mes ennemis. Ça valait même pas la peine que je le fasse. J'étais rendu à un point où est-ce que j'ai fait, bon, je vais me faire un battleship parce que j'en ai pas de fait. Mais j'en ai pas de besoin. Donc, je suis vraiment rendu à monter le niveau de difficulté. Là. Qu'est-ce qui est une bonne chose à ce moment-là? Parce que ça va rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Pour un joueur de civilisation, t'es un gars satisfait? Satisfait. C'est sûr, certain qu'il y a quelques lacunes en ce moment. C'est peut-être juste question d'apprentissage, parce que chaque édition, il y a un nouvel apprentissage. Il faut apprendre comment ça fonctionne. Par contre, soyez avertis, côté graphique, oui, il est très beau. Par contre, ça prend une moyenne, ben, pas nécessairement la dernière machine qui existe parce que c'est sur PC, mais ça prend quelque chose quand même de récent dans les quelques dernières années, ou sinon ça va être beaucoup trop long. Les tours, des fois, là, parce que plus que la map est grosse, plus que c'est long aussi, plus que de choses. Moi, la première game que j'ai vraiment parti, j'étais en mode marathon avec la plus grosse carte, et mes tours pouvaient prendre jusqu'à 45 minutes de temps d'ordinateur à calculer. Sur une map standard, ça me peut prendre entre 15 et 30 secondes, tout dépendant où est-ce que je suis rendu. Donc, un ordinateur plus vieux, plus de temps entre les tours. Et bien sûr, il faut réduire les graphiques à ce moment-là. Mais les graphiques sont très, très beaux. Ça, avec les hexagones, ça vaut la peine. Là, juste avec les saisies d'écran qu'on voit sur Internet, sur les forums, tout ça, c'est un bon plus. Oui, c'est un jeu de stratégie, pas besoin d'avoir de beaux graphiques. Mais si je peux avoir des beaux graphiques dans mon jeu, en plus de qu'il soit le fun à jouer, je vais le prendre à ce moment-là. C'est un ça vaut la peine. Tout à fait. Et donc, je recommande à tout le monde qui aime bien Civilization, un apprentissage différent à faire. C'est pas pareil. Attendez-vous pas de jouer de la même façon qu'avant. Moi, il a fallu, après mes 4-5 premières parties, j'ai changé des façons de faire. Je pouvais pas fonctionner de la même façon. Puisque les villes se défendent, je peux pas arriver avec juste un warrior au début, puis je vais attaquer la capitale de l'autre, il va me tuer, puis je vais avoir perdu mon warrior, ça sera pas avantageux. Et en plus, je vais être en guerre. Qu'est-ce qui est pas bon en partant? Excellent. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. François, on passe en musique. Oui, j'ai 8 heures de temps à donner pour la compagnie d'animation de jeux de rôle Incarna Saga. Donc, si vous avez un jeune, un petit frère, une petite sœur, ça peut être bon pour eux et elles. Donc, 529-9026, 8 heures à Incarna Saga. Sinon, ben, on va écouter une pièce tirée des années 40, toujours tirée de la trame sonore de Mafia 2. La pièce s'appelle « There'll be a hot time in the town of Berlin » des Andrews Sisters encore. Ça raconte un peu qu'est-ce qui va arriver lorsque la ville de Berlin sera libérée des méchants nazis. Vous écoutez Puissance Maximale. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy and spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin. They're gonna start a row and show 'em how we paint the town back in Kokomo. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that hile to what you know, Joe. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You could never keep 'em happy down on the farm after they take Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I wanna be their boy, spread some joy when they take over Berlin. And may I join you? There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take over Berlin. They're gonna start a row and show them how you paint the town back in Michigan. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change the Heil to give me some skin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You're never gonna keep them happy down on the farm after they take Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when be there, boy. Spread some joy when they take Berlin, the Yanks go marching in. Be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin. The boys begin to take the joint apart and tear it down when they take Berlin. Be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You could never keep them happy down on the farm. The life of these would never please, they'd shudder with alarm. No, you couldn't keep them happy down on the farm after they take Oui, donc, comme à chaque mois à peu près, on reçoit Fräulein Evil, alias Chantal Campagna, qui vient nous parler de jeux de plateau. Bonjour, Fräulein. Bonjour, François. Donc, voilà, jeux de plateau. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Il s'est passé plein de choses en plus. En fait, cette semaine, c'est le salon des jeux et jouets à Québec. Il y a aussi les Ludo Ottawa qui s'en viennent. Il y a les trois listes qui ont révélé leurs gagnants aussi en fin de semaine, le concours, le prix québécois qui récompense les meilleurs jeux de société de l'année. Je voulais peut-être qu'on en glisse quelques mots. Pour la liste enfants, eux autres, ils ont sélectionné le Labyrinthe Magique. Est-ce que tu connais ce jeu-là? Ben, le Labyrinthe Magique, écoute, c'est un jeu de Dreamhaguerre. Eux autres vraiment se spécialisent dans le jeu pour enfants super trippant. Avec lequel les enfants vont s'amuser comme des petits fous, puis une fois que les enfants sont couchés, les adultes vont ressortir le jeu et le rejouer avec un petit verre dans le nez. C'est absolument fabuleux. C'est eux autres qui nous avaient donné l'escalier hanté, la nuit du magicien. Et le labyrinthe magique, ça rentre encore une fois dans la même ligne. C'est un jeu avec du trois dimensions. Il y a des couleurs. On peut jouer dans le noir. C'est absolument super. Donc, c'est encore du trois dimensions. Comme je t'ai dit, les enfants adorent. Ça ne m'étonne absolument pas que ce jeu-là aille gagner les trois listes. Écoute, le Québec a quand même du goût et aime s'amuser. Et ça va peut-être nous rappeler un peu le vieux jeu labyrinthe là, que tout le monde connaît. Donc, le gagnant des listes enfants, le labyrinthe magique. Sinon aussi, le liste grand public, le jeu qui a gagné, c'est Dice Town. Ben, écoute, Dice Town, c'est un jeu de Bruno Catala. Alors, Bruno Catala, c'est un des favoris du Québec. C'est un homme qui est absolument charmant. Il nous a visité deux fois, je crois, qui passe du temps avec ses fans, qui leur parle, qui échange. Donc, c'est sûr qu'en partant, de voir une boîte avec son nom, on fait déjà « Ouh! » Ça fait un petit guidou, là. Mais Dice Town, c'est absolument superbe. C'est un jeu qui s'adresse aux bluffeurs, aux joueurs de poker, à ceux qui aiment pousser, donc les amateurs de Pirudo, de Picomino. Et c'est un jeu qui est quand même assez accessible parce que c'est des dés, donc les gens aiment toujours taponner des dés. C'est plein de matériel là-dedans. Et en plus, ben il faut gager, il faut bluffer. On va remporter finalement des goodies avec des mains de poker qu'on va réussir à réaliser avec nos dés. Donc, ça ne m'étonne encore une fois pas que ce jeu-là ait gagné. Dans la liste des finalistes, c'est vraiment lui, à mon avis, qui est vraiment le plus grand public. Donc, la liste grand public, Dice Town. Et le jury a été séduit par le thème et les illustrations humoristiques. Absolument. Sinon, pour la liste passionnée, donc pour les gros joueurs, c'est Steam, les voix de la richesse qui a gagné. Bon, écoute, François, tout le monde le sait à travers le monde que moi et Martin Wallace, on est des jumeaux. J'adore cet auteur-là. Steam, en fait, c'est une version revampée de Age of Steam, le meilleur jeu de l'univers. Donc, c'est en fait, les règles ont été assouplies un tantinet pour permettre aux néophytes de jouer sans se faire sortir du jeu, mais on reste quand même aussi avec les règles originales qui sont aussi dans la boîte. Donc, on peut jouer super méchant si on veut. C'est un jeu de gestion de ressources. C'est un beau jeu de train. C'est une mécanique d'une fluidité absolument extraordinaire, mais en même temps, c'est un jeu qui ne pardonne pas. Si on fait une erreur en début de partie, ça va être extrêmement difficile de s'en tirer avec la victoire. Mais pour moi, Age of Steam, c'est... mon Dieu, je suis extrêmement contente qu'il ait gagné ce livre. Donc, le liste passionné des Steam, les voix de la richesse. Puis dis donc, Chantal, du Valet de cœur, est-ce que toi-même, tu as des suggestions de jeux de plateau, des choses qui ont retenu ton attention? Bon, écoute, la semaine passée, c'était la manne. Ici, on a reçu absolument plein de nouveautés. Ben oui, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. J'imagine que ça va être pour ça. Des fêtes qui s'en vient. En fait, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont devenues disponibles en France un petit peu après le Salon du monde du jeu au mois de juin à Paris. Donc, il y a des nouveautés qui sortent. Évidemment, celui qui retient l'attention, c'est le jeu de cartes de Space Wolf qui nous est offert par Ubik. Il est, en fait, c'est vraiment le fun qu'il devienne disponible aussi vite parce qu'il est sorti il y a seulement un mois aux États-Unis avec Fantasy Flight. Donc, ça s'appelle, oh mon Dieu, j'essaie de me souvenir, il faut que je le dise comme il faut, Space Hulk Death Angel. Mais, évidemment, c'est une version française. Alors, ça s'adresse au groupe. C'est un jeu qui va jusqu'à 8 joueurs. Donc, on est des Space Marines, on est des Hulk, on essaie de s'attirer des Hulk, en fait, des orques. C'est un remake, Space Hulk, c'est un classique. Il est absolument superbe. Super. Et sinon, quoi d'autre? Sinon, on a reçu l'extension numéro 5 de Zombies, juste à temps pour la rentrée des classes. Et justement, ça s'appelle L'école est finie. En fait, Zombies, le jeu de plateau de Ubik, fait un retour parce qu'il était absent des tablettes pendant pratiquement un an. Donc, il est accompagné de l'extension numéro 5, Zombies 5, L'école est finie. Et ça, c'est l'expansion Zombie 5. Là, c'est quoi exactement qu'il y a de nouveau? Là? Parce que dans le 4, il y avait des chiens zombies. Là, le 5e, c'est quoi? En fait, on se retrouve dans une polyvalente. Tout simplement. Puis est-ce qu'il y a des zombies, je sais pas moi, des zombies carnivores ou végétaliens ou je sais pas? Les zombies sont carnivores et si vous êtes sages, ils vont porter des petites jupettes de l'école catholique. Oh, il y a des jupettes! Des zombies avec des jupettes. Une autre grosse sortie cette semaine, c'est Power Struggle de Yellow. En fait, c'est la version française de Power Struggle qui était disponible en version anglaise, mais qui a été faite en très, très peu de copies. Donc, c'est un gros jeu qui s'adresse aux gros joueurs. On dit là, bienvenue dans le monde des puissants. C'est le jeu de Pierre-Claude Pelado et des frères Monson. C'est un jeu avec énormément de choses à faire. C'est un jeu de gestion. C'est plein de pitounes. Mais pas des pitons en jupette cette fois-ci. Donc, c'est un jeu qui était très, très attendu et il est maintenant en boutique depuis la semaine passée. Super. Donc, les suggestions comme ça de jeux de plateau de Chantal Campagna. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Ça me fait plaisir. Chantal Campagna, on rappelle, du Valet de cœur à Montréal, votre gamazin de jeux de plateau préféré. Et sinon, ben, on se dit ben, au mois prochain. À bientôt. Peut-être même avant, étant donné que c'est le temps des fêtes qui s'en vient, ça va être important de se revoir bientôt. Absolument. Ciao, ciao. Bye. De retour déjà à Puissance Maximale et ça va être la chronique de Michael Michaud qui était ici en début d'émission pour nous parler de Cap et Kimono. Michael, tu vas nous parler du manga historique, c'est bien ça? Oui, en fait, vu que mon collègue Andrew Castagan est plus fatigué que moi, j'ai décidé de le remplacer aujourd'hui pour sa chronique Nippon. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu vous donner un aperçu d'un panel que je donne à peu près dans toutes les conventions où je vais. En fait, de transmettre justement ma passion pour l'histoire, mais aussi ma passion pour la littérature. Le manga historique, en fait, est très populaire, souvent dans les mangas, même pour jeunes garçons, plus fantastiques comme le shonen, qui est fait justement pour les adolescents, les jeunes adolescents. On pense à Kenshin le Vagabond, entre autres, qui est le meilleur exemple du shonen où on est ancré dans un contexte historique. On est au milieu du 19e siècle dans Kenshin le Vagabond, après les révolutions où le gouvernement shogunal, le gouvernement militaire des Tokugawa est renversé et où on remplace ce gouvernement-là par l'empereur. En fait, c'est ce qu'on essaie de faire croire. On se concentre sur un personnage tiré d'un personnage historique. Le personnage ici s'appelle Kenshin Imura. C'est un ancien assassin qui travaillait pour les révolutionnaires. Et pendant 10 ans après la fin de la révolution, ça devient un vagabond et on se demande pourquoi. Et on est dans un monde justement en plein changement. Un Japon qui tente justement de se sortir un peu de ce pouvoir-là militaire. Donc même les samouraïs en viennent à en perdre leurs privilèges et leurs pouvoirs. Ça a été ma première introduction justement au manga historique. C'est sûr que c'est plus à la Dragon Ball un peu. Là. Pour ceux qui connaissent un peu le style, vous avez les personnages qui, à chaque fois qu'ils attaquent, ils crient le nom d'une technique, genre le sabre divin, puis il attaque son ennemi. C'est beaucoup moins réaliste, mais c'est quand même une excellente introduction. Beaucoup moins réaliste, mais il reste quand même une trame de fond qui est historique, donc qui s'est passée. Oui, tout à fait. Ben Kenshin, en fait, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire du Japon. Donc, c'est une excellente façon d'entrer justement dans ce domaine-là, dans ce domaine culturel-là, puis historique. Il faut dire que l'histoire est un excellent moyen d'amener les gens à porter une attention sur ces œuvres-là, même dans les jeux. On parlait de jeux de plateau il y a quelques instants. On pense à Shogun, Risk, Axis Analyze, tout ce genre de jeux-là. Mais ça nous parle de l'histoire, puis on s'attache à ça parce qu'on connaît cette histoire-là, puis on s'y intéresse. Puis souvent, ça nous amène à aller ailleurs. Moi, c'est ce qui m'a amené à aller voir d'autres choses dans la culture japonaise. Moi, personnellement, mon manga historique préféré s'appelle Satsuma, l'honneur de ses samouraïs. Ça se passe, si je me rappelle bien, au 17e siècle. On a le clan de la province de Satsuma, qui est à l'est du Japon, au sud-est du Japon, si je me rappelle bien, alors qui est en conflit plus ou moins ouvert avec le gouvernement justement des Tokugawa, le shogun finalement. C'est pas de guerre ouverte militaire, mais il y a des alliances, ils s'empêchent de s'attaquer, puis finalement les Tokugawa décident de, pour appauvrir cette province-là, qu'ils vont les envoyer faire des travaux d'irrigation et des travaux d'aménagement de fleuves pour empêcher des inondations dans d'autres provinces à côté, mais à leurs frais. Donc, c'est pas les Tokugawa qui vont payer, c'est pas les provinces qui vont être sauvées qui vont payer, mais c'est la province de Satsuma qui doivent payer ces travaux-là. Donc, vous avez, puis ça, c'est vrai, ça s'est passé au Japon à cette époque-là. Le mangaka, M. Hirata, qui a fait ce manga-là, voulait justement ramener cet événement-là au goût du jour pour rappeler aux Japonais ce qui s'est passé, pour rappeler le sacrifice de ces hommes-là. Puis ce manga-là aussi enlève le côté qu'on peut avoir un peu d'idéaliser le samouraï, comme à une certaine époque, on idéalisait le chevalier en armure de l'Europe occidentale, mais ça casse un peu l'image de l'homme d'honneur qui est prêt à tout. On a des samouraïs qui deviennent justement des ouvriers, donc qui doivent renoncer à leurs privilèges, à leurs pouvoirs, à leurs sabres souvent, parce que les samouraïs, le clan leur ont demandé de vendre leurs possessions pour financer ces travaux-là. Donc vous avez des samouraïs qui, bien nantis, réussissent quand même à vendre quelques produits, quelques-unes de leurs possessions. Mais il y a des samouraïs qui étaient pauvres à l'époque, même des samouraïs plus pauvres que certains paysans qui devaient faire de l'artisanat pour survivre. Ben eux se viennent à vendre leur unique sabre, le sabre, dois-je le rappeler, qui est un peu l'âme du samouraï. Donc vous avez toute cette situation-là qui nous amène justement à découvrir l'autre côté un peu de la face du samouraï. Donc vous avez toutes ces troupes-là qui seraient des troupes militaires qui s'en vont devenir des ouvriers dans d'autres provinces, donc qui seront traités comme des paysans, mais qui doivent vivre avec leur fierté brisée. Finalement, c'est une œuvre très riche qui a été réalisée, si je m'arrêtais, publiée au début des années 90. Le mangaka voulait faire une suite, c'est 6 volumes, sauf que on est en 2010 et on attend toujours. Mais c'est un excellent manga que je recommande à tous. Dis-moi, Michael, là, tu me parles de ça, t'as beaucoup de culture, beaucoup de passion au niveau du monde japonais. Est-ce qu'on retrouve toutes ces informations-là dans le manga ou bien par toi-même, tu es allé faire un peu de recherche pour connaître ça? Est-ce qu'on retrouve beaucoup d'informations historiques? C'est une des qualités du manga Satsuma, l'honneur de ses samouraïs, c'est que c'est très documenté. Vous avez beaucoup de notes en bas de page. On vous amène il y a un gros index à la fin de chaque un surplus là, d'informations qui est à la fin de chaque volume, où vous avez des dates, des personnages, puis souvent des sources supplémentaires pour aller vous renseigner. C'est ce que je recommande habituellement aux gens qu'on lit dans le manga historique ou juste dans le manga de contemplation ou culturel, c'est d'aller se documenter pour enrichir sa lecture. Mais Satsuma nous donne ses références. Là. Souvent, quand on va dans le manga historique, vous avez le mangaka. Je dis pas qu'il va toujours avoir des ressources, des sources historiques à la fin de chaque œuvre, mais souvent, vous allez avoir le mangaka qui va dire: regardez, cet événement-là, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, je l'ai romancé, mais si vous voulez plus d'informations, allez voir là. C'est des gens qui sont fiers de leur culture, qui veulent en parler. Donc, ils sont conscients aussi que c'est de la romance, un peu ce qui se passe dans le manga, comme dans le roman. Oui, donc, mais présenté de façon différente, tout simplement. Tout à fait, mais ils vont se référer justement à l'histoire, ce qui fait que c'est un processus très, très, très honnête. C'est assez unique, justement, le manga. On en parle, le manga, on essaie d'en faire. Il y a de la bande dessinée, il y a du comic ici en Amérique. Pas dans le même style, mais quand on parle, justement, d'une bande dessinée qui amène des faits historiques, on n'a pas ça ici en Amérique du tout. Là. C'est très peu... Dans le comic book américain, vous allez le retrouver souvent. C'est un processus littéraire qu'on retrouve aussi dans le manga, mais qui est aussi dans le comic book, où on va insérer un personnage de fiction dans une trame temporelle. Oui. Vous avez soit que le personnage va changer un peu la réalité, notre réalité à nous, là, dans le contexte de fiction, ou vous avez seulement le personnage qui va rentrer dans la trame temporelle, mais qui va finalement faire quelques petites affaires, mais qui va rien modifier pour nous. Là, on fera pas, ah, ben, ça se peut pas, ça s'est pas passé comme ça. Non, non, non. Donc, vous avez ces phénomènes-là dans l'œuvre historique, que ce soit le manga, le comic book ou dans le roman, qui fait qu'on accroche plus ou moins, mais qui nous amène toujours vers l'histoire. Donc, vous avez, dans le comic book, vous pouvez avoir justement Wolverine, qui est un personnage où on va l'ancrer justement dans l'histoire pour savoir son passé. Quand justement, avant qu'il devienne Wolverine, avant qu'il perde sa mémoire, ben vous le voyez dans différentes guerres en Amérique, dans la Deuxième Guerre mondiale où il aurait combattu avec Captain America. Donc, ces contextes-là servent toujours. Le contexte va être là, mais moi, ce que je disais, c'est par rapport au détail, le souci du détail, d'expliquer au lecteur des notes comme ça, c'est très, très, très typique japonais, j'imagine. Ben, je dirais pas typique japonais, mais très, très, très présent chez les Japonais. J'ai pas vu beaucoup, même Kenshin, qui est beaucoup plus fantaisiste ou fantastique historique. Noboru Watsuki, qui est le mangaka qui l'a fait, il y avait des petites sections freaks qui appellent des free talk où il parlait de sa vie, mais il y avait tout le temps des commentaires sur ce personnage. Ah, ce personnage historique-là, je l'ai fait comme ça pour telle raison, mais si vous vous fiez à des photos, ils sont très consciencieux, les auteurs. Puis effectivement, chez les Japonais, ça paraît beaucoup. Je dis pas que c'est spécialement japonais, mais eux le font particulièrement. Tu disais tout à l'heure, là, en lisant des comic books américains, parfois, ouf, on voit la réalité, c'est pas vraiment ça, la fiction. On peut le voir en tant que Nord-Américain, comment c'est. Quand on lit des mangas japonais, est-ce qu'on est un petit peu... exposé de loin à ça en se disant bah, « OK, c'est arrivé, le personnage fait quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais on n'est comme pas lié avec l'histoire parce que c'est quand même le Japon est situé très loin. » Toi, tu en connais beaucoup sur l'histoire du Japon, mais en tant que lecteur, est-ce que tu es justement aliéné un peu par rapport à ça? C'est le piège de la lecture, justement, dans un contexte qu'on ne connaît pas. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut se documenter. Moi, c'est sûr qu'on a plus tendance à faire « Ah, ben là, sûrement, moi, j'y connais rien, ça doit être ça. » C'est le réflexe qu'on a des fois en premier lieu, mais c'est d'aller se documenter. Meilleur exemple, justement, là, d'un truc comme ça, si vous prenez le manga Vagabond, qui est basé sur la vie romancée de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, un des plus grands, en tout cas, un des plus célèbres samouraïs du Japon féodal, fin du 16e siècle. Et c'est tiré, en fait, le manga est tiré du roman La pierre et le sabre, qui est une romance, un peu, pas une romance, mais la version roman de sa vie. Mais vous avez le manga qui représente ça. Donc, vous avez des faits qui sont quand même assez incroyables, qui sont reliés à la vie de Musashi. On n'a qu'à penser à un soir, il va tuer, en tout cas dans le manga et dans le roman, il va tuer, je pense, 60 membres du clan Yoshioka après avoir tué le maître d'armes, son frère, en duel. Mais vous avez le clan qui refuse la défaite, qui s'attaque à lui, il va les tuer, les 60 dans le manga, aussi dans le roman. On a le droit de se poser la question. Mais dans les livres d'histoire, dans ce qui est relaté de cette histoire-là, ça serait vrai. Mais vous savez comme moi, en tout cas, j'imagine que l'histoire n'est pas une science exacte. Il faut toujours se remettre en question quand on regarde l'histoire. Mais c'est un piège. Si vous lisez Vagabond tout seul ou La pierre et le sable, puis vous prenez ça... comme si c'était du cash, ouais, c'est ça. On peut c'est toujours le piège du manga historique, mais il faut bien se documenter, en fait. Juste une petite parenthèse rapide, ça s'applique pas nécessairement, moi, qu'est-ce que je dis là, au manga, mais même dans le jeu de rôle, les recherches historiques, moi personnellement, je fais jouer à Call of Cthulhu dans les années 1920, puis c'est mes joueurs qui font les recherches quand on sait pas sur quelque chose. Exemple, bon, le téléphone était comment à l'époque, les voitures étaient comment, y avait-tu telle chose, genre les lanternes, y avait-tu des batteries, des choses de même. Même dans le jeu de rôle aussi, on fait beaucoup de recherches, on assume des choses, mais faire des recherches pour apprendre, c'est une des joies à ce moment-là. C'est la même chose chose avec les mangas. Quand on voit un sujet qui nous intéresse, c'est d'aller pousser plus loin puis d'en apprendre. Puis même si c'est juste Wikipédia, c'est pas tout le temps fait, tout le temps 100% véridique, mais on a une bonne base puis ça nous amène à développer plus loin. Selon moi, dans le manga historique et aussi dans le jeu de rôle, c'est de la création. Ça amène que de la création puis ça nourrit l'imaginaire. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup, Michael, d'être passé à l'émission. Merci également à Guillaume Forand d'être passé également aujourd'hui. François, toujours là, toujours au poste. Merci. Merci à vous, messieurs. Et on remercie également Chantal Campagna qui nous a parlé de certains jeux de plateau cette semaine. Alors, c'était l'édition Puissance Maximale du 11 octobre 2010. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, profitez-en un peu pour jouer. Never kissed a lady before. Nope. Mm. Woo!